Des fois ça se décale. 180. Trop de réverb. Comment on enlève la réverb? Comment on peut enlever la réverb dessus? Putain, je comprends pas, ça se décale, c'est important, je suis en même tempo. Ça va être la latence. Son midi, non? C'est ça? Ouais. Non, je vais pas m'emmerder, c'était juste pour voir si marchait ce tinté. Il n'y en a qu'un, Régis?